frisson de lune. Une New York party. J'ai marché sur tes traces. Traces de poudre de rêve. Sur ce sable où l'on crève. Loin de tout dans l'eau. Parlons-en. C'est une New York.